Ah, t'es content à nouveau. La famille est contente. J'ai dit Guise, j'ai pas dit Guise. Bonjour les amis. Quoi encore? Et alors il m'est arrivé un truc bien dégueulasse cette semaine. Ça y est, j'ai l'attention de tout le monde, c'est bien. Donc alors en gros, comme à chaque fois que j'ai la nostalgie des animaux décédés en 2010, je suis allé manger au McDo. Et anecdote authentique, quand je suis arrivé... Il y en a qui l'a compris, ça fait plaisir. Et anecdote authentique, quand je suis arrivé aux toilettes du McDo, je suis tombé sur un mec qui pissait dans le lavabo, quoi. Oh. Et en plein Paris Libre, et okay. Pas Woodstock, quoi. En plein Paris Libre. Et alors ? C'était fustif, hein. C'était mesquin, c'était pas hyper assumé. Quoi. Il s'est pas retourné vers moi en criant, c'est parce que je suis pas en forme, sinon j'irais chier dans la graisse à frites. On était sur une dynamique de déni, voire sur une base de honte. Mais alors jusque là, évidemment, vous allez me dire rien de bien. Enfin si, c'est pas cool. En soi, c'est pas cool. Là, j'ai pas jugé celui ou celle qui veut pisser de manière non conventionnelle. Mais disons qu'après, quand tu te laves les mains, t'es plus dans l'innocence, quoi. Il y a un truc qui s'est brisé en toi. T'as la tentation du vote populiste. Alors c'est entre autres pour ça que je vais pas vous faire un énième billet pleurnichard sur Davos et les milliardaires, contrairement aux wannabe communistes qui pullulent sur France Inter avec marqué humoriste sur leur carte de cantine. Moi, je suis dans la vie, la vraie, hein, ma syphilis, je la chope pas sur Internet. Je suis sur le terrain, moi, au plus près du citoyen. Là, en l'occurrence, si ce garçon avait eu 50 centimes à disposition, il aurait parfaitement pu pisser comme tant de Français avant lui, un peu sur la lunette, le reste dans la cuvette, et on serait tous rentrés chez soi en sifflotant, pas vrai, Maréchal ? C'est exactement ce que je fais. Exactement. D'où ma question du jour, les amis. Sachant que l'argent est juste une convention sociale entre humains, pourquoi ne pas bêtement créer un rab d'argent pour en distribuer à ceux qui en manquent le plus, ceux qui en manque au point d'en mourir de froid dans la rue ou d'en souiller les mailles des lavabos, pas vrai, Père Albert ? C'est ma pratique aussi. Et je sais que les auditeurs vont se dire, oui, voilà, tiens, Nagui, il engage des débiles mentaux, hein, c'est tout à son honneur, quel homme merveilleux, déjà qu'il articule bien, si en plus il a un cœur. Bientôt, c'est le coude à coude avec Omar Sy. Alors, je sais, chaque fois que je me pose cette question en public, on me traite d'ignorant, de naïf, d'abruti, voilà, puis c'est l'escalade des injures, soi-disant ma mère tarife ses relations sexuelles, et là, comme je sais pas me battre, je me retrouve toujours à dire, oui, enfin bon, il n'y a pas de sous-métier, au moins elle a un boulot, ça va aller, là, c'est pas parce que tu présentes le JT de France 2 que t'es obligé de dénigrer les gens, enfin, voilà, mais ça. C'était avant, les amis, avant, parce que j'ai lu dans l'Obs. Avant quoi ? J'ai lu dans l'Obs, oui, je sais, j'ai lu dans l'Obs. Qu'un tas d'économistes de renom plaidaient pour que la Banque Centrale Européenne crée de la monnaie et la file directement aux citoyens les plus démunis, sans passer par le circuit des banques privées. Ouais. Voilà, ça a un nom, c'est des termes un peu compliqués, donc voilà, on n'est pas là pour humilier Daniel Morin, donc je vais pas le faire, mais l'idée existe bel et bien. Et quand j'ai lu ça dans l'Obs, je me suis dit, putain, je le savais, quoi. Je suis trop fort, je suis un génie, les gens sont pas prêts, en fait. J'ai toujours été en avance sur mon temps. Regardez ma coupe de cheveux, ouvrez-moi les malins quand ça reviendra à la mode. Et ben voilà, et ben, ce fameux concept d'assouplissement quantitatif pour le peuple. Oui, désolé Daniel, mais il y a un moment où on est obligé d'avancer, hein, votre après, votre tard après. Et ben, intuitivement, ce concept, il m'a toujours semblé logique. En soi, créer des suppléments d'argent, c'est plus à la portée des autorités humaines que, par exemple, créer des suppléments de panda, quoi. Voilà, je sens qu'il ne vous plaît pas mon exemple, non. Mais je vais me permettre de vivre avec. Alors, si la justice sociale passait par la distribution des pandas, il faudrait partir sur... de l'élevage massif de pandas, sur de l'importation de bambou, enfin, on parle d'un tout gros défi logistique, c'est vrai. Alors que l'argent, c'est un bout de papier ou un code informatique, et ça change des vies, quoi. Je veux dire, si t'es SDF, tu reçois un panda. Non mais après 2 heures, t'as plus rien à lui dire, tu sais plus quoi en faire, t'es chiant, quoi. Alors que si tu reçois de l'argent, tu peux acheter une tartine ou un cluedo, sans parler d'un loyer ou d'un gilet propre ou d'un accès direct à une cuvette d'un établissement d'un commerce honnête. Et je sais que c'est pas l'unique solution, et voilà que c'est plus complexe que ça, que tu comprends que bien que si, que c'est la planche à billets, l'inflation et une société d'assistés, le ligue de l'extrême droite et les pires heures de notre histoire, et ma mère pourrait baisser ses prix, je sais. Mais voilà, mais faudra bien qu'un déclic se passe un jour sous le concept d'argent et les souffrances que ça génère, parce que l'argent, c'est vraiment que de l'argent en soi, quoi. Voilà, vous en avez rien à foutre de ce que je raconte comme d'habitude. Non mais voilà, vous êtes, non, mais t'as raison, t'as voilà, raison. Vous êtes pas prêts pour moi les amis, vous non, êtes mais pas moi prêts je suis d'accord avec toi. Allez, bonne émission les amis. Merci Guillaume. France Inter. Nagui, la bande originale.